Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 102. Du paradis terrestre. Le paradis terrestre était un lieu matériel, l'homme devait le cultiver, Adam n'y fut pas créé. 1. Le paradis terrestre était-il un lieu matériel? Il y a, dit saint Augustin, trois grandes opinions sur le paradis terrestre, l'une l'entend dans un sens purement matériel, l'autre, dans un sens purement spirituel, la troisième, dans les deux sens à la fois. Nous préférons celle-ci. On peut attacher au paradis terrestre un sens spirituel, mais il faut se garder d'ébranler la foi à la vérité des faits historiques. Posez d'abord pour fondement l'exacte réalité des faits, vous pourrez vous livrer ensuite aux interprétations spirituelles et mystiques. Le paradis terrestre était certainement un lieu réel, situé dans une contrée de l'Orient, son nom, en grec, signifie jardin. Note. On ignore aujourd'hui l'emplacement de ce jardin. Il est vraisemblable que les fleuves dont on nomme les sources coulent quelque part sous la terre, et que le lieu du paradis est couvert par des montagnes ou des mers. L'arbre de vie était un arbre matériel dont les fruits avaient la propriété de conserver la vie. Il avait cependant aussi une signification spirituelle, et il en faut dire autant de celui de la science du bien et du mal. Fin de la note. 2. Le paradis était-il un lieu convenable pour l'habitation de l'homme? Rien n'était mieux approprié à l'habitation de l'homme que cette région en quelque sorte divine. C'était, dit saint Jean Damascène, une demeure digne en tout de celui qui avait été fait à l'image de Dieu. Un air tempéré, une végétation toujours fleurie, des aliments sains, tout. Dans cet heureux séjour, était propre à prévenir les causes de corruption. Une telle demeure était en parfaite harmonie avec l'immortalité, état primitif de l'homme. 3. Adam fut-il placé dans le paradis pour le cultiver et le garder? Dieu prit l'homme et le mit dans le paradis, pour y travailler et le garder, nous dit la Genèse. Genèse 2, 15. Ce travail n'avait rien de pénible, il était, au contraire, très agréable, et il aurait donné à l'homme l'expérience de ses forces naturelles. Adam, en gardant le paradis, n'avait pas à le défendre contre une agression quelconque. Cette expression signifie qu'il devait s'en assurer la possession par sa fidélité. 4. L'homme a-t-il été créé dans le paradis? Adam ne fut pas créé dans le paradis, mais il y fut placé aussitôt après sa création, pour y passer tout le temps de sa vie terrestre, jusqu'au moment où, ayant acquis la vie spirituelle, il devait être transféré au ciel. Note. La création d'un seul homme et d'une seule femme, à l'origine des choses, implique nécessairement l'unité de l'espèce humaine. Il serait facile de démontrer que, sur ce point, les sciences n'ont rien à opposer à l'enseignement révélé, comme on le voit par les travaux des plus grands naturalistes, tels que Cuvier, de Blainville, Flourens, Dumont-d'Urville et autres. Aussi paraît-il qu'aujourd'hui tous les naturalistes un peu connus admettent généralement l'unité de l'espèce humaine, s'accordant cela avec les Linné, les Buffon, les Cuvier, les Blumenbach, les Campé, les Geoffroy Saint-Hilaire, les de Blainville et les de Humboldt. On doit, scientifiquement parlant, reconnaître que le genre humain, un en espèce, présente seulement des variétés ou races qui proviennent de trois causes principales, de la différence des climats, de la différence dans la manière de vivre. et enfin de la différence des mœurs. Tout concourt, dit Buffon, à prouver que le genre humain n'est pas composé d'espèces essentiellement différentes, au contraire, il n'y a eu primitivement qu'une espèce qui, s'étant multipliée et répandue sur la Terre, a subi divers changements par l'influence des climats, par la différence de nourriture, par celle des manières de vivre, par des maladies épidémiques, et par le mélange, varié à l'infini, des individus plus ou moins semblables. D'abord, ces altérations n'étaient pas si marquées et ne produisaient que des variétés individuelles, elles sont devenues des variétés de l'espèce, parce qu'elles sont devenues plus générales, plus constantes, plus sensibles par l'action continuée des mêmes causes. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.